بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا الذي وفقنا ويسر لنا دراسة هذا الكتاب، فنحمده جل وعلا ونسأله الإخلاص في القول والعمل وأن ينفعنا بهذا العلم. وبعد، donc on va continuer inshallah sans plus attendre sur l'étude du livre de l'unicité du grand imam Mohammed ibn Ismail al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Et donc dans la dernière allocution, dans le dernier cours, on avait terminé l'étude du chapitre précédent qui était consacré à l'étude et à l'apprentissage de l'un des noms sublimes d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui est Al-Malik. Al-Malik, et dans une traduction relative, on avait dit le souverain, le maître, le roi absolu. Et donc dans ce chapitre, on a appris de nombreux enseignements. Et on a dit dans le dernier cours, Inch'Allah, qu'on allait passer à l'étude du chapitre suivant, Inch'Allah. Par contre, vous pourrez remarquer que Cheikh Ibn Uthaymeen, lui, dans son commentaire, il va continuer encore à préciser, il va vraiment développer. Donc il va commenter le hadith, commencer l'imam al-Bukhari dans le chapitre. Donc il va vraiment développer, il va vraiment expliquer les sens du hadith. Et surtout, il va développer la question de ce qu'on appelle Ithbat Sifat al-Yad. Ithbat Sifat al-Yad. Donc pour ceux qui sont arabophones, je vous réfère au commentaire de Cheikh Ibn Uthaymeen. Si vous voulez continuer, Inch'Allah, avoir plus de précision et vous voulez prendre connaissance de ce développé et comment Cheikh Ibn Uthaymeen va détailler l'affirmation de l'attribut de al-Yad, de Sifat al-Yad. Donc je vous recommande et je vous réfère à l'explication de Cheikh Ibn Uthaymeen. Donc nous, en résumé, on a pris les leçons et les enseignements qui sont importantes par rapport à notre niveau, Inch'Allah, et pour ceux qui veulent plus de détails, vous pouvez continuer, Inch'Allah, dans l'explication, comme on l'a dit précédemment, de Cheikh Ibn Uthaymeen. Pourquoi? Puisqu'on prend en considération tous les niveaux, donc il y a des gens qui sont plus débutants, donc on prend en considération cela. C'est pour cela qu'on explique les choses que tout le monde peut comprendre, et comme il y a d'autres personnes qui suivent le cours et qui ont un niveau plus avancé, Inch'Allah. Donc aussi pour eux, on explique certaines précisions et on essaie de développer certains sujets, mais on essaie toujours de rester dans des enseignements qui sont assez simples et qu'on puisse comprendre. Et parfois, vous avez vu, on rajoute parfois certains rappels. Donc on essaie de prendre en considération le niveau de chacun, que le plus débutant puisse profiter et tirer profit de cette étude, et qu'aussi le plus avancé, ceux qui sont avancés, qui ont déjà assisté, qui ont déjà un niveau, qui ont déjà assisté à des cours, et qui ont déjà écouté des cours, et qui ont un certain niveau, qui puissent aussi profiter de certaines précisions, et certains détails que nous fait Cheikh Ibn Uthaymeen dans son explication. Donc, encore une fois, ceux qui veulent se référer, Inch'Allah, au développé, Inch'Allah, et qui veulent justement avoir tous les détails, Inch'Allah, de l'explication de Cheikh Ibn Uthaymeen concernant Sifat al-Yad, Ithbat Sifat al-Yad. Donc Cheikh Ibn Uthaymeen va vraiment développer et expliquer cette question. Nous, dans ce chapitre, donc on avait appris, Inch'Allah, on avait fait un rappel sur l'explication des deux sourates, Sourat al-Falaq et Sourat al-Nas, donc les deux dernières sourates. On avait expliqué le caractère protectrice de ces deux sourates par la permission d'Allah. Et ce qui était pertinent, c'est que dans un chapitre précédent, on avait étudié le bienfait et la valeur et le mérite de la sourate, les vertus de la sourate Qul Huwallahu Ahad, sourate al-Ikhlas, sourate al-Ikhlas. Et de ce fait, donc, du fait qu'on a étudié cela dans un chapitre précédent, et dans ce chapitre-ci, on a étudié le mérite et les vertus des deux dernières sourates, ça fait qu'on a, walillahil hamd, on a étudié à travers l'étude de ces chapitres le mérite des trois dernières sourates. Le mérite de la sourate al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, comme c'est venu dans l'étude d'un chapitre précédent. Et dans ce chapitre, on a étudié les vertus et les mérites de ces deux sourates protectrices, qui sont les deux dernières sourates du Coran, sourate al-Falaq et sourate an-Nas, et dont le prophète Ansam utilisait. Le prophète Ansam utilisait ces sourates, ces deux dernières sourates, en tant que ruqya. En tant que ruqya, comme on l'a expliqué dans l'étude. Et dans les allocutions précédentes. Dans le cours d'hier aussi, on avait fait un rappel sur l'importance des invocations et que le musulman, le croyant, doit faire attention à toujours être attentif, à observer ses invocations, aussi bien les invocations du matin, aussi bien les invocations du soir, aussi bien les invocations qui sont liées à des circonstances bien précises, comme le fait de manger, de boire, par exemple, le fait de rentrer chez soi, l'invocation lorsqu'on rentre chez nous, l'invocation lorsqu'on sort de chez nous, l'invocation lorsqu'on porte des vêtements, par exemple, surtout des nouveaux vêtements, l'invocation lorsqu'on voyage. La vocation lorsqu'on est sur une monture, par exemple, lorsqu'on est dans notre véhicule, l'invocation lorsqu'on va, karamakumullah, faire ses besoins, lorsqu'on rentre dans les toilettes et lorsqu'on y ressort. Donc on avait fait un rappel sur les invocations. On avait dit que c'était une sorte de forteresse, une citadelle. Il y avait protection pour le croyant et l'importance de garder toujours les portes bien fermées, de ne pas ouvrir les portes aux démons. Et pour cela aussi, on avait fait un rappel avec une très belle citation de l'imam Ibn al-Jawzi, du grand savant Ibn al-Jawzi, dans son livre Talbis Iblis. On avait lu une citation très importante et il avait fait un rappel et on avait illustré cela, l'importance de préserver son cœur. Donc il avait illustré cela en nous donnant à l'exemple une citadelle avec une sentinelle, avec un faubourg où il y a des démons. Donc on avait expliqué cette citation dans la dernière allocution aussi. Et on avait terminé avec un rappel. On avait terminé avec le rappel de Haroun Rachid, ce grand calife, hein, l'un des meilleurs califes de l'Empire abbasside. On avait dit pendant la période de la dynastie et de l'Empire abbasside, on avait parlé que ce calife qui avait une royauté, qui avait un gouvernat, qui régnait sur de nombreuses contrées du monde musulman, qui avait ce règne, hein, et donc cette autorité et sur ces sujets, sur les croyants, sur les musulmans, il était nommé le prince des croyants. Hein, donc c'était Amir al-Mu'minin. Et lui, contrairement à d'autres dirigeants, contrairement à d'autres rois sur terre qui étaient des oppresseurs, qui étaient des tyrans, lui c'était un roi qui était pieux, c'était un dirigeant qui était pieux. On avait dit, avant de mourir, on s'était fait ce rappel, une très belle histoire, avant de mourir donc. Alors qu'il subissait les affres de la mort, il a demandé à ceux qui étaient autour de lui de le sortir et de lui faire voir sa tombe, cet endroit dans lequel il serait enterré. Et lorsqu'ils lui ont fait montrer cette tombe, alors il s'est mis à pleurer. Et là, il s'est adressé aux gens, alors qu'il a regardé le ciel, il s'est mis à pleurer. Il s'est adressé aux gens en leur disant et en invoquant Allah, ô toi, celui dont la royauté ne cessera jamais. Celle qui est éternelle, celui qui détient la royauté éternelle, fait miséricorde à celui dont la royauté a cessé. On avait dit que c'était une très belle parole. C'est pour cela que il y a deux sortes de dirigeants. Il y a les dirigeants et les rois qui étaient pieux et qui étaient sincères et qui étaient humbles et modestes. Et il y a les dirigeants qu'on appelle les dirigeants qui sont des tyrans, qui sont injustes, qui sont des oppresseurs, qui oppriment les peuples. Ces gens-là seront interrogés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que ça, c'est un grand rappel du fait que le croyant ne doit jamais courir après les responsabilités, ne doit jamais convoiter ses responsabilités. Pourquoi? Parce que le fait de diriger, le fait d'avoir une responsabilité sur une chose, eh ben, chaque personne, chaque croyant sera interrogé sur les responsabilités qu'il a. Et c'est pour cela, celui qui gouverne une terre ou une contrée parmi les contrées du monde, qu'il sache qu'il sera interrogé et que cette personne sera interrogée. Et on voit dans les siècles précédents, si vous regardez l'histoire, il y a beaucoup de récits et d'histoires qui nous sont mentionnées sur des gens qui convoitaient justement les hauts postes, les gens qui convoitaient justement les postes à responsabilité. Et les gens se battaient pour cela. Et ils se menaient des guerres. Et on voit que même, par exemple, dans les différentes dynasties, hein, lorsque vous regardez l'histoire, les différentes dynasties et empires, dans l'histoire de l'islam, de certains gouverneurs musulmans, alors ces gouverneurs-là se faisaient la guerre. Ils se faisaient la guerre pour avoir ces postes, justement, à responsabilité. Les gens voulaient le pouvoir. C'est pour ça que c'est une grande tentation. C'est un grand trouble lorsque la personne désire et convoite le pouvoir. C'est pour ça que dans des récits, le prophète Sansam nous a exhorté à ne pas donner l'autorité à celui qui la demande. Celui qui demande l'autorité, justement, on ne lui donne pas cette autorité. Celui qui doit détenir et être détenteur de l'autorité, c'est celui qui reconnaît la responsabilité que c'est d'être détenteur d'une autorité. Et ça, c'est très important à le savoir. Et là, on a parlé, par exemple, à titre général, on a parlé des dirigeants et des gouverneurs, de ceux qui avaient un règne dans différentes contrées du monde, de ceux qui recherchaient la royauté à être roi, par exemple. Mais donc ça, c'est à grande échelle. Mais à plus petite échelle, on peut parler de ceux aussi qui aujourd'hui cherchent les responsabilités, cherchent les postes à responsabilité. Par exemple, comme on voit beaucoup à l'heure actuelle, beaucoup de mosquées, par exemple, beaucoup de gens se battent pour la responsabilité. Donc chacun veut devenir président de l'association de la mosquée ou président de telle et telle association. Donc on voit que les gens se mènent des luttes et se battent et se disputent, se querellent pour avoir des postes à responsabilité. Et là, il faut être très, très, très attentif. Il faut être prudent. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le fait de se battre pour les postes à responsabilité, de se faire la guerre pour avoir des postes à responsabilité, ça sous-entend que les personnes n'ont pas compris que ces postes à responsabilité, lorsqu'on détient, on est détenteur d'une autorité, quelle que soit cette autorité, qu'elle soit d'à grande échelle, hein, que ce soit à l'échelle étatique, d'État, ou bien que ce soit à l'échelle, comme on a dit précédemment, à plus petite échelle, comme par exemple vouloir une autorité sur une association ou une société ou autre. Sachez que l'individu sera interrogé pour cela. L'individu sera interrogé. Il rendra des comptes devant son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Donc ça, il ne faut pas être négligent, il ne faut pas oublier cela. C'est pour ça que c'est un rappel qu'il faut se faire. Pourquoi? Parce que beaucoup dans notre communauté, eh ben, cherchent les postes à responsabilité et ensuite c'est ça qui va mener vers la rivalité, vers l'envie, la jalousie et les gens ensuite vont tomber dans des querelles, dans des luttes incessantes, hein, incessantes et internes dans la communauté et c'est ça ensuite qui mène vers le riba, ou le namima, la calomnie, la médisance et ça mène vers de nombreux péchés, C'est pour ça que ceux qui détiennent l'autorité, ça doit être ceux qui craignent véritablement Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que nous, l'autorité, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a exhorté à cela et nous a enjoint cela, on la donne à ceux qui ne la réclament pas, qui ne la convoitent pas, ceux qui craignent réellement Allah subhanahu wa ta'ala. Remarquez aujourd'hui, beaucoup de gens aujourd'hui, ce qu'ils recherchent, c'est le pouvoir. Le pouvoir fait partie des plus grandes tentations et des plus grandes séductions. Et le pouvoir, c'est ce qui a fait périr de nombreuses personnes, et bien même plutôt de nombreuses nations. Donc des communautés, des nations, des États ont péri à cause de cela, à cause de la recherche de pouvoir. Certains États se sont divisés, et donc il y a eu des guerres internes dans certaines nations, certaines communautés. Et ben les individus, les composantes de ces communautés, de ces nations, se faisaient la guerre pour ce pouvoir-là. Donc le pouvoir est une fitna, le pouvoir est une tentation, c'est une séduction par laquelle Shaitan, Iblis, séduit les hommes. Et lorsque la personne il est avide de pouvoir, il convoite ce pouvoir, il veut cette autorité, il veut ce pouvoir, il veut ses biens de cette vie d'ici-bas, alors c'est pour ça que ça mène souvent vers les guerres, ça mène aussi vers la traîtrise. Regardez par exemple à l'époque, hein, des dynasties qui nous ont précédés, on voit que des rois qui ont régné dans certaines dynasties et empires musulmans, parfois, ils allaient s'allier ils allaient s'allier avec des ennemis, des gens qui venaient détruire et exterminer les gens qui vivaient dans certains villages, dans certaines contrées, dans certaines cités. Et ben ces gens, et ben s'allier avec des ennemis pour garder leur pouvoir, pour garder leur pouvoir. Comme à titre d'exemple, par exemple, lorsqu'il y a eu l'invasion des Tatars, ce qu'on appelle les Tatars et les Mongols, Al-Maroul, les Mongols, lorsqu'ils ont envahi les terres, une grande partie du monde, ils ont envahi vraiment une grande partie du monde. Et ça, c'était vraiment une grande épreuve. Et ça, on pourra le relater ça dans d'autres assises. Dans d'autres assises et dans d'autres allocutions, vraiment, c'était vraiment l'une des plus grandes épreuves. Jusqu'à ce que Ibn al-Athir, c'était un savant, c'était un grand savant, un historien, et lui, il a un livre de référence dans cela qui s'appelle Kitab al-Kamil. Kitab al-Kamil. Donc, Ibn al-Athir, à ne pas confondre avec Ibn Kathir. Avec Ibn Kathir, donc ne pas confondre, Ibn al-Athir, c'est un autre savant, un historien, justement, qui a vécu à l'époque de l'invasion des Mongols. Et lui, Ibn al-Athir, il a mis du temps à écrire parce qu'il ne voulait pas vraiment relater tellement que c'était effroyable, c'était terrible ce qui s'était produit. Les Mongols, lorsqu'ils arrivaient dans une terre, ils exterminaient tous les habitants de cette terre, de cette contrée, de ce village, de ces grandes villes. Ils exterminaient tout le monde. Ils ne laissaient personne. Et ils ont commis les plus grands crimes de guerre que l'histoire n'a jamais connus. Que l'histoire n'a jamais connus. Et eux ne s'associaient avec personne. Lorsqu'ils rentraient dans une terre, il n'y avait pas de négociation. Ils exterminaient. Ibn al-Athir, un jour dans une allocution, si on a le temps, on lira le témoignage d'Ibn al-Athir. Mais lui, il a mis du temps dans son livre alors qu'il a vécu à cette époque-là. Donc lui, il y a vraiment des faits qui se sont produites à son époque. Donc son témoignage est d'une importance capitale. Son témoignage est précieux dans le domaine. Et lui, il a mis du temps à écrire cela. Et c'est les gens qui ont insisté à son époque pour qu'il écrive. Pourquoi il n'a pas voulu écrire ces choses qui étaient terribles? C'était tellement terrible et effroyable. Ça, c'était vraiment tellement que c'était. Ibn al-Athir décrit cela comme depuis Adam. Et il dit que la terre n'avait pas connu une plus grande injustice et oppression, n'avait pas connu de tels crimes de guerre qui étaient terribles depuis l'arrivée, il dit, jusqu'à l'arrivée des Mongols. Comment est-ce qu'ils ont conquis ces terres et ensuite ils ont régné sur un large et une vaste étendue de la terre, de la terre. Mais ensuite Allah Jalla Wa'ala, eh ben, les a fait périr. Mais pourquoi je vous ai donné cet exemple, cette épreuve qui était terrible, et on reviendra, Inch'Allah, on reviendra sur certains épisodes hein, de cette époque qui ont marqué hein, l'histoire de certains États, des États musulmans. Pourquoi? Et l'histoire des musulmans et de la nation musulmane, pourquoi? Parce que les Mongols ont été la cause, et les Tatars, ce qu'on appelle les Tatars et les Mongols, ont été la cause de la chute de l'Empire abbasside, et donc du dernier calife de l'Empire abbasside, en l'occurrence à Bagdad. Et ça, c'était en année 656 de l'Hégire, comme l'évoque Ibn Kathir dans Al-Bidaya wa Nihaya. Et avant même cela, donc là on est en 656 de l'Hégire, mais vers l'an 616 ou 17, si je ne me trompe pas, 616 ou bien 617, ils ont commencé d'abord par la chute de cette grande ville de Al-Bukhara. La grande ville de Al-Bukhara, dont justement l'auteur, l'imam Mohammed ibn Ismail Al-Bukhari, était issu. Il a naquit dans cette terre de Al-Bukhara. Et donc il a évolué, il a grandi à Al-Bukhara. C'est pour ça qu'il était appelé Mohammed ibn Ismail Al-Bukhari. Il était surnommé Al-Bukhari du fait que c'était sa terre natale, sa terre natale. Et les Tatars, les Mongols, par exemple, ont anéanti les gens à Al-Bukhara et ils ont vraiment été auteurs de crimes de guerre. D'abord, ça a commencé en 617 par la ville de Al-Bukhara. Et pourquoi je vous ai relaté ce passage, par exemple? Vous voyez que certains rois, à l'époque, alors que les Mongols allaient les envahir, au lieu de s'allier entre différentes contrées, donc il y avait des émirs qui régnaient sur différentes contrées, ils avaient leur terre et leur étendue, au lieu de s'unir pour combattre cet envahisseur, certains se trahissaient en pensant que s'ils négociaient avec ces envahisseurs, Il négocie avec eux, peut-être que eux allaient être épargnés s'ils leur livraient leurs frères, s'ils leur livraient leurs frères et d'autres. Et pour gagner pourquoi? Pour garder leur pouvoir et leur règne. À la fin, ils ont tous péri. À la fin, ceux-là qui voulaient, qui convoitaient leur pouvoir, qui voulaient garder leur pouvoir, qui voulaient conserver ce pouvoir en se disant qu'ils allaient vendre le dirigeant d'à côté pour pouvoir conserver leur propre pouvoir, eh ben, eux-mêmes ont péri, celui d'à côté a péri. Donc regardez, je vous ai juste donné cet exemple, juste donné cet exemple pour dire que le pouvoir est vraiment une tentation. Et Shaitan a séduit de nombreuses personnes, a séduit de nombreux gens avec cette tentation du pouvoir. Et on voit jusqu'à aujourd'hui, on voit jusqu'à aujourd'hui comment les gens, eh ben, convoitent ce pouvoir et appellent les gens, par exemple, dans les sociétés où les gens arrivent à avoir ce pouvoir et cette autorité par la voie du vote, eh ben on voit comment est-ce qu'ils appellent les gens à voter pour eux. Et ensuite, tous les cons sont permis et il n'y a plus de règles. Alors ensuite, on laisse place au mensonge. Les gens mentent et donnent une image d'eux qui n'est pas la vraie. On voit des gens qui ne sont pas sincères. Tout ça pour que les gens votent pour eux, pour s'attirer les votes. Et pour avoir cette autorité et pour avoir ce pouvoir. C'est pour cela qu'ensuite, lorsque vous observez réellement, on voit que il y a la plus grande hypocrisie. On voit des mensonges. On voit des visages qui ne sont pas les vrais visages. Tout ça pour que les gens votent pour eux. Donc le musulman doit se préserver de cela, de cet amour et de cette convoitise d'être avide de pouvoir et d'autorité et de règne. Tout ça pour les objectifs, hein, de cette vie d'ici-bas. Le prophète Sansam nous dit que parmi les signes de la fin des temps, les gens vendront leur religion pour des objectifs de cette vie d'ici-bas. Yabi'udinahu bi'aradhi min ad-dunya. Il vendra sa religion pour des objectifs, hein, de cette vie d'ici-bas. Donc c'est pour ça que ça, c'est un grand rappel qu'il faut se faire. Par contre, dans l'histoire, par contre, de la nation musulmane, on a eu de grands dirigeants. On a eu de grands rois qui étaient pieux, des califes vraiment qui étaient pieux, même des rois qui avaient de la piété, qui craignaient Allah subhanahu wa ta'ala, qui s'efforçaient de donner le droit de leurs sujets, de ceux qui composaient la société et la nation. Et donc, ils s'efforçaient de parcourir les boulevards, les rues, à la recherche des pauvres, à la recherche des nécessiteux, pour qu'ils puissent venir en aide à ces nécessiteux. Ils parcouraient les boulevards et les rues de ces contrées pour rechercher les femmes qui étaient veuves, les femmes qui étaient seules, les femmes qui étaient divorcées, les femmes qui n'avaient pas de moyens, pour rechercher les pauvres, pour rechercher ceux qui étaient vraiment dans des situations de besoin. Et ils secouraient les pauvres. Ils secouraient les pauvres. Et c'est pour ça qu'on voit que certains rois dans la nation musulmane, mashallah, étaient vraiment pieux. Et le plus grand exemple qu'on a eu de celui qui a eu l'autorité, qui était le guide de la nation, c'était le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Guider le prophète, comment? Il a délaissé ce bas monde alors qu'il aurait pu avoir les richesses et profiter des biens de cette vie d'ici-bas et des richesses de cette vie d'ici-bas. Certaines richesses dont les rois profiter, lui a délaissé tout cela. Regardez aussi le prophète, lorsque, ça c'est très important à méditer, regardez la modestie du prophète, lorsqu'il est rentré à la Mecque, lors de la conquête de la Mecque, le prophète s'était distingué par rapport aux autres conquérants, alors que les autres conquérants rentrent avec orgueil, ils veulent faire montrer, mettre en évidence leur force et leur puissance, le prophète est rentré en toute modestie, avec la tête baissé et rabaissé avec toute humilité. Et le prophète sallam a promis la sécurité à chacun, chaque personne qui allait rester chez soi. Le prophète sallam leur promettait la sécurité. Donc regardez la différence. Regardez le prophète sallam, comment est-ce qu'il a semé la paix et n'a pas convoité ce pouvoir et les richesses d'ici-bas. Et à titre d'exemple, regardez ce qu'ont appris auprès du prophète. Regardez Omar ibn al-Khattab, radiallahu ta'ala an, qui deviendra plus tard le deuxième calife de l'islam. Regardez par exemple l'exemple lorsque Omar aussi, lorsqu'il a conquis Jérusalem. Donc c'est à l'époque de Omar ibn al-Khattab que les musulmans ont conquis Jérusalem, la terre sainte de Jérusalem. Et lui-même, Ibn al-Jawzi, il va nous mentionner un récit. Ibn al-Jawzi va nous mentionner un récit justement qui relate un fait lors de la conquête de Omar de Jérusalem. Regardez, Omar qui était le calife de l'islam, ce deuxième calife parmi les plus grands compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et à l'époque de Omar, surtout ce qu'il faut prendre en considération, c'est qu'avec les conquêtes, donc la nation musulmane avait obtenu de nombreuses richesses. Et vous avez vu avec la conquête de la Perse, avec la conquête de nombreuses contrées, alors la nation musulmane avait obtenu de nombreuses richesses. C'était quelque chose d'inestimable. Et Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala an, à son époque, lorsqu'il va régner, lorsqu'il sera le calife, alors il va régner sur une grande étendue de terres et de contrées qui vont faire partie de la nation, ces contrées de la nation musulmane, et lui sera le grand gouverneur. C'est ça qu'il faut bien, se rendre compte pour ceux qui sont plus débutants. Lorsqu'on dit le terme khalifa, calife, certains ne connaissent pas réellement le sens de ce terme. C'est vraiment régner sur toutes les provinces et toutes les contrées musulmanes. Et c'était un grand étendu. Ce n'était pas restreint à la Mecque et à Médine. Mais ensuite, il y a eu de grandes étendues et donc de grandes conquêtes. Donc à l'époque, Omar ibn Khattab régnait sur un grand étendu et un vaste territoire qui composait les territoires de la nation musulmane à cette époque. Et bien, regardez, Omar aurait pu profiter de certaines richesses et de certains biens. Sa situation aurait pu changer par rapport à leur situation d'avant. Et bien, regardez ce que nous relate Ibn al-Jawzi. Il nous dit, lorsque Omar ibn al-Khattab, radiallahu ta'ala an, est entré à Jérusalem, alors les prêtres et les moines demandèrent qui était le gouverneur des musulmans. Pourquoi ? Parce que à l'époque, il y avait des prêtres et des moines, donc à Jérusalem, comme vous le savez. Il y avait les différentes communautés qui étaient installées et présentes, hein, qui habitaient à Jérusalem à l'époque, à la Palestine actuelle, en Palestine actuelle. Et donc, il y avait une grande forteresse à l'époque. Et eux, ils s'abritaient et ils se protégeaient dans cette grande citadelle et forteresse. Et eux, ces moines et ces prêtres, donc ont demandé à parler, à rencontrer le gouverneur de ces musulmans qui avait conquis justement Jérusalem. Alors, eux, les musulmans, ils leur ont présenté leur émir, c'est-à-dire le chef militaire en quelque sorte. Et c'était Abu Ubaïda. Il y avait Abu Ubaïda à l'époque, il y avait Khalid ibn al-Walid et d'autres. Et donc comme eux c'était les émirs, hein, les chefs, les gouverneurs qui avaient nommé à l'époque, Omar ibn Khattab par exemple, il avait nommé Abu Ubaïda en tant que chef. Donc eux, ensuite les gens ont appelé, ont ramené Abu Ubaïda. Et eux ensuite, les prêtres et les moines ont dit, nous n'avons pas ces caractéristiques chez nous. Avez-vous un gouverneur ou non? Eux, ils voulaient vraiment le gouverneur. Ils ne voulaient pas le chef, par exemple, des armées ou le chef militaire. Mais eux voulaient vraiment leur gouverneur, leur calife. Alors, les gens dirent, nous avons un gouverneur autre que cela. Ils voulaient sous-entendre Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala an. Ils dirent, il est le gouverneur de ces gens-ci. C'est-à-dire qu'eux, ils avaient ramené les chefs de guerre, ils ont dit d'accord. On va vous ramener le gouverneur et il est certes même le gouverneur de ces émirs qu'on vous a ramené. Alors, ces prêtres et ces moines, ils étaient d'accord. Ils ont dit, on va vous ramener Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala an. Et ils dirent, les prêtres et les moines, envoyez-le afin que nous le voyions. Regardez ce qu'ils vont dire. Ils vont dire, s'il est comme tel, nous vous rendrons, ou plutôt, on va se rendre à vous. Ils ont promis que si, par rapport à leur rencontre avec Omar ibn Khattab, donc ils promettaient que s'il était comme tel, ils le pensent, alors ils allaient se rendre. Ils ont dit, nous nous rendrons à vous sans combat. Donc ils allaient se rendre et laisser leur forteresse sans combat. Par contre, ils ont dit, si ce n'est pas lui, alors non. Même si vous nous assiégez, vous n'aurez pas le dessus sur nous. Donc ils ont dit qu'ils n'allaient pas se rendre et ils n'allaient pas rendre cette forteresse. Alors de ce fait, les musulmans, il est rapporté dans l'histoire qu'ils envoyèrent quelqu'un à Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala an pour l'informer de ce qu'il en était. Alors il est rapporté dans le récit que Omar ibn al-Jawzi nous rapporte que Omar ensuite se rendit à eux. Et regardez de quelle manière était Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala an. Il est décrit comme étant habillé d'un habit raccommodé. Regardez le grand prince des croyants, le grand gouverneur, celui qui avait un règne sur toutes ses provinces, celui qui avait un règne sur toutes ses contrées, celui qui était le conquérant, celui qui a conquis Jérusalem, donc il est rentré à Jérusalem en tant que conquérant. Regardez celui qui pouvait profiter de grandes richesses, d'une richesse inestimable. Alors il se rend à ses prêtres et ses moines avec un habit raccommodé de 17 rapiessages. Imaginez-vous. Alors il est vêtu d'un habit raccommodé de 17 rapiessages. Donc on ne peut pas mieux décrire et illustrer la modestie, vraiment, et la simplicité. Regardez, la simplicité de nos compa des compagnons du prophète, des compagnons, des meilleurs de cette nation, de notre nation, regardez leur simplicité, leur modestie, regardez comment ils ont appris, regardez l'influence du comportement du prophète Salem sur ses compagnons. Le prophète était un immense éducateur. Et ce qui est très très important à noter ici, c'est que Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu, lorsqu'il était vêtu et habillé, hein, de ce vêtement, on a dit raccommodé, ce n'est pas pour, c'est pas une simple apparence comme ça pour se donner une apparence pour refléter la modestie comme ça, c'est vraiment, c'était leur manière de vivre. Et ici, il n'y avait pas de takalluf, c'était vraiment leur personnalité, comment ils étaient. C'est pour cela, plus tard, même Ibn al-Jawzi dans son livre et d'autres savants, dans leur livre par exemple, ils vont remettre en cause par exemple l'ascétisme de certains soufis, que eux le faisaient exprès, ça. Ils voulaient se donner une apparence. Ils voulaient se parer de la manière parfois en marchant avec des vêtements raccommodés, alors qu'en réalité, ils pouvaient marcher et se vêtir de vêtements non raccommodés. Donc, ils voulaient juste se donner une apparence. Tandis que Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu, et les compagnons à l'époque, lorsqu'ils étaient vêtus de ça, ce n'était pas juste pour se donner une apparence. C'était vraiment, ils vivaient comme cela. Ils ne vivaient pas dans le luxe. Ils ne vivaient pas. Oh, ils n'avaient pas des richesses, ils ne s'accaparaient pas les richesses des gens et des peuples pour eux-mêmes. Donc la différence entre certains plus tard qui viendront avec ce soufisme d'une manière apparente, eux, les compagnons par exemple, eux ce n'était pas juste une apparence, c'était vraiment leur mode de vie. C'était vraiment ce qu'on appelle le délaissement vraiment des jouissances de cette vie d'ici-bas. Et donc c'était parce qu'ils avaient atteint un haut niveau, on va dire, de culte. Et il nous est décrit dans cette histoire aussi que ces pièces, ces 17 rapiessages, ils étaient soit en peau ou soit en cuir. Soit en peau ou soit en cuir. Donc là, c'est vraiment pour décrire le vêtement de Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu, que nous décrit Ibn al-Jawzi dans ce récit. Alors, regardez, remarquez bien. Lorsque ceux qui sont attachés à la vie spirituelle, sachez que les moines et les prêtres qui voulaient rencontrer donc le calife, le chef des musulmans à l'époque, ces prêtres et ces moines, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était des gens qui étaient vraiment attachés à la vie spirituelle. Donc pour eux, c'était des gens comme on connaît, c'est pour ça qu'on appelle ça des prêtres et des moines. C'était des gens dont leur vie était basée sur la spiritualité. Donc c'est des gens qui accordaient une grande place à la spiritualité. Et donc de ce fait, lorsque Omar ibn al-Khattab, radiallahu ta'ala anhu, est parti à la rencontre, et eux aussi ils se rendirent, alors lorsqu'ils le virent, et ils ont vu Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu de cette manière, sur cette description-là, alors ils se sont rendus et ils laissèrent Jérusalem sans combattre. Et comme nous rapporte Ibn al-Jawzi dans le récit. Regardez, lorsqu'il rapporte Ibn al-Jawzi, lorsqu'ils ont vu le chef des croyants, le chef des musulmans, de cette apparence-là. Et comme on a dit, c'était vraiment une apparence qui faisait partie de la personnalité de Omar ibn Khattab. Ici, ce n'était pas le fait de se donner une apparence, mais c'était vraiment leur mode de vie. C'était vraiment ce qui reflétait vraiment sa simplicité. Et lorsqu'ils ont vu ça, ils ont vu cette apparence, ils ont vu cette modestie du chef des croyants, du chef de cette nation. Alors là, il est rapporté, Ibn al-Jawzi nous dit qu'ils se sont rendus et ils ont laissé Jérusalem. Et ensuite, il y a d'autres récits, hein. Il y a d'autres récits qui nous relatent l'entrée l'entrée de Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala an à Jérusalem lorsqu'il y a eu la conquête de Jérusalem. Et donc ça, je voulais juste vous faire partager cela. Donc regardez, il y a eu dans notre nation des rois, des dirigeants, des califes qui étaient vraiment pieux et qui savaient que c'était une grande, cette autorité-là était une grande responsabilité. C'est une grande responsabilité et que chacun sera interrogé sur cela. À présent, on va rentrer dans l'étude d'un nouveau chapitre. Donc l'imam al-Bukhari ensuite, après qu'il nous ait mentionné le chapitre relatif et dédié au nom al-Malik, l'imam al-Bukhari قال رحمه الله تعالى قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى وهو العزيز الحكيم وقول الله جل جلاله سبحان ربك رب العزة وقول الله جل وعلا ولله العزة ولرسوله. Donc ensuite, l'imam al-Bukhari va rédiger un nouveau chapitre. Donc il nous relate un nouveau chapitre. Et là, ce chapitre, il va être dédié à l'étude de deux noms sublimes. Donc ce chapitre aussi, l'étude de ce nouveau chapitre, vous allez voir, on va étudier deux autres noms parmi les noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a dit, hein, Allah, lui, il détient Allah, à lui, les plus beaux noms, les noms sublimes. Walillahil asma. Le husna fad'uhu biha. Donc Allah Jalla wa'ala dans son livre, il nous informe qu'il a les plus beaux noms. Et parmi ces plus beaux noms, on a Al-Azizu ou Al-Hakimu. On a un nom qui est Al-Azizu ou Al-Hakimu. En français, qu'on pourrait traduire de manière relative, mais ensuite avec l'explication, on va mieux comprendre les détails, hein, et les subtilités. Mais d'une manière générale, on pourrait traduire Al-Aziz, le Tout-Puissant, ou Al-Hakimu, le Sage. Donc, Al-Azizu, c'est celui qui détient Al-Izza, qui est détenteur de la puissance. Al-Izza, comme on va voir, et on va essayer d'apprendre ici certaines précisions pour mieux comprendre les termes. On voit Al-Hakim ou le sage, comme on a dit. Et donc, Al-Imam al-Bukhari, dans ce chapitre, en guise d'intitulé, vous avez pu constater et remarquer qu'il a mentionné ici, dans ce chapitre, trois versets. Donc, il va évoquer trois versets. Le premier verset qu'il a évoqué, c'est le verset 4 de la sourate Ibrahim. Lorsque Allah Jalla wa'ala dit, wa huwa al-aziz al-hakim. Et c'est Allah Jalla wa'ala qui est al-aziz al-hakim. On peut rester sur le terme en arabe, mais on va mieux les expliquer ensuite pour mieux comprendre. Donc, c'est Allah qui est le tout-puissant, le sage. Ensuite, il a mentionné le verset 180 dans la sourate As-Saffat. Lorsqu'Allah dit « Subhana rabbika rabbil izzah » une traduction relative du sens du verset « Gloire à ton Seigneur, le Seigneur de la puissance, il est au-dessus de tout ce qu'il décrive » traduction relative. Et ensuite, l'imam al-Bukhari a mentionné un troisième verset, c'est le verset 8 dans la sourate les hypocrites, « Al-Munafiqoun » la sourate les hypocrites, où Allah, une traduction relative, dit « Walillahi l'izzah » et Allah appartient la puissance ainsi qu'à son messager. Donc maintenant, c'est cela qu'on va essayer de comprendre. Et donc, on va étudier à travers l'étude de ce chapitre deux noms parmi les noms sublimes d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et vous verrez que c'est vraiment très judicieux que l'imam al-Bukhari, l'auteur, hein, dans son œuvre, ait mentionné à présent ces deux noms et fait allusion à ces deux noms. Et donc, il va dédier ce chapitre pour l'étude de ces deux noms qui est Al-Aziz ou Al-Hakim. Et de ce fait, si une personne, il veut se rendre compte de l'immensité d'un savoir et d'une science, lorsqu'une personne veut distinguer entre l'honorabilité d'une science et la non-honorabilité d'une autre science, c'est-à-dire lorsqu'on veut se rendre compte de l'importance d'une science par rapport à une autre science qui serait moins importante. Donc, en quelque sorte, en d'autres termes, pour reconnaître la meilleure des sciences. Eh bien, pour reconnaître la meilleure des sciences et la science la plus importante, il faut juste observer ce qui est étudié, le thème étudié. Donc, plus la chose étudiée, plus le thème étudié, et plus ce qui est étudié est important et immense, alors plus cette science est importante et immense. De ce fait, lorsqu'on étudie, par exemple, les noms sublimes d'Allah, donc ce qu'on étudie, c'est apprendre à connaître notre Seigneur. Et donc, on étudie les noms sublimes d'Allah. C'est ce qui est le plus important et c'est ce qui est très important et c'est ce qui est prioritaire dans la vie du croyant et de la croyante. De ce fait, on voit que ce savoir-là et cette science-là qu'on est en train d'apprendre, c'est la science la plus importante. Donc plus qu'on apprend est important, plus qu'on apprend est élevé, donc plus cette science est importante et élevée. Et c'est comme ça qu'on distingue entre une science qui est importante et une science qui n'est point importante, une science qui ne fait pas partie des priorités pour le croyant et la croyante, et le musulman d'une manière générale dans sa vie. Et c'est pour cela que la science profitable ici, vous pouvez la reconnaître. Donc l'honorabilité d'une science est liée à ce qui est appris. Et donc ce qui est étudié ici, en l'occurrence les noms sublimes d'Allah, c'est tellement immense et c'est tellement grand et c'est tellement important pour le croyant. Donc cette science est d'une importance capitale et majeure pour le croyant. Donc vous avez vu, c'est pour ça que l'imam al-Bukhari, vraiment, ces chapitres-là qu'il mentionne et qu'il évoque dans son livre de l'unicité sont vraiment d'une importance capitale et majeure pour le croyant. C'est pour cela que l'étudiant, talib al-ilm, ou le musulman d'une manière générale, qui étudie par exemple Kitab al-Tawhid de l'imam Mohammed ibn Abd al-Wahhab et qui étudie aussi Kitab al-Tawhid de l'imam al-Bukhari, et bien vraiment là, il va avoir une bonne conception, une réelle compréhension du sujet qui est al-Tawhid, du monothéisme. Pourquoi ? Parce qu'on voit que l'imam al-Bukhari, vous allez voir à travers l'étude de ces différents chapitres qui sont mentionnés dans Kitab al-Tawhid, qu'a rédigé l'imam al-Bukhari, vous allez voir, il va voir, vraiment l'imam al-Bukhari va vraiment se consacrer à l'enseignement des attributs et des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et aussi au domaine de la seigneurie, au domaine de la seigneurie. C'est pour ça que c'est vraiment une grande étude pour comprendre vraiment l'unicité de notre Seigneur. C'est vraiment une grande étude le fait d'étudier Kitab al-Tawhid de l'imam al-Bukhari. Et on voit dans l'autre livre de l'unicité de Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, Mohammed ibn Abd al-Wahhab s'est vraiment concentré dans le domaine de l'uluhiyya, de l'adoration. Donc il a vraiment consacré son écrit et dédié son écrit et ses chapitres qu'il a mentionnés dans son livre Kitab al-Tawhid au domaine de l'adoration. Il a des chapitres aussi qui sont dédiés à l'étude de la seigneurie, du domaine de l'unicité de la seigneurie et aussi du domaine des noms et des attributs. Mais il y a de nombreux hadiths, comme vous avez pu voir dans l'étude de Kitab al-Tawhid de l'autre auteur, Mohammed ibn Abd al-Wahhab, de nombreux chapitres qui sont dédiés et consacrés à l'étude du domaine de l'uluhiyya ou l'ubudiyya. Ou l'ubudiyya du domaine de l'adoration. Comme on aura ici aussi dans le Kitab al-Tawhid de l'imam al-Bukhari. Mais on voit aussi que dans ce qui fait vraiment la pertinence, ce qui donne vraiment de la valeur au livre de l'unicité de l'imam al-Bukhari, c'est vraiment là, vraiment, il va vraiment nous enseigner, il va vraiment mettre en évidence, en apparence, l'immensité de la seigneurie d'Allah et des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ici son livre de l'unicité. Donc vous avez vu, il a vraiment conclu son authentique Kitab al-Sahih, Jami' al-Sahih, vraiment de la meilleure des manières et d'une très belle manière, d'une excellente manière. L'imam al-Bukhari, vous pouvez constater de quelle manière il a conclu son authentique. Donc pour bien comprendre ces deux noms, donc Cheikh Ibn Uthaymeen, maintenant on va commencer sur l'explication, Inch'Allah. Cheikh Ibn Uthaymeen, donc commence en nous expliquant que هذا الباب تضمن اسمين من اسماء الله جل جلاله. Donc ce chapitre va sous-entendre l'étude de deux noms parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dit premièrement le nom Al-Aziz, comme on l'a évoqué précédemment, et deuxièmement le nom Al-Hakim, Al-Hakim. Donc voilà, l'étude de ces deux noms Al-Aziz ou Al-Hakim. À présent, vraiment, ce qu'il va falloir faire et ce que je vais vous demander de faire, c'est vraiment de vous concentrer, Inch'Allah, pour l'explication de ces noms, puisque Cheikh Ibn Uthaymeen va d'abord nous expliquer ces noms d'une manière linguistique. D'une manière linguistique, donc il va nous expliquer dans la langue arabe le terme et ses dérivés. Et ça, c'est très important pour comprendre vraiment. Et comme vous avez pu voir, à travers ces cours, on essaye de pallier un peu, on essaye de réunir entre le rappel et l'étude, entre le rappel et l'étude. C'est pour ça qu'on essaye à travers ces cours, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment, on se fait du rappel. Pourquoi ? Parce qu'on est en période de confinement, donc on a besoin de rappel. Et comme on avait déjà dit, le rappel, c'est l'alimentation des cœurs. Et c'est ça qui illumine les cœurs. Donc le croyant, il a besoin de rappel. C'est pour ça que on s'efforce, on saisit l'occasion et l'opportunité de se faire du rappel. Mais aussi, le croyant, il a besoin d'apprendre sa religion. Donc il faut qu'on avance, il faut qu'on apprenne cette religion. C'est pour ça que vous avez vu que je prends des passages du commentaire de Cheikh Ibn Al-Uthaymeen vraiment qui sont propices, on va dire qui sont propices et qui sont profitables à tous les niveaux. Et on essaye justement de pallier et de réunir entre l'aspect rappel et puis aussi étude, le fait d'apprendre et d'avancer. Et d'avancer et de comprendre vraiment les termes. Vous allez voir, hein, concentrez-vous bien dans l'étude de ce chapitre. On a appris dans le chapitre précédent le sens vraiment de la souveraineté d'Allah. Et là, normalement, lorsque vous lisez maintenant les sourates, en l'occurrence maintenant, lorsque vous lisez sourate al-Fatiha, et lorsqu'Allah nous dit qu'il est Maliki Yawmiddin, Maliki Yawmiddin, lorsqu'Allah nous dit qu'il est le roi du jour dernier, on pourrait traduire aussi le roi du jour de la résurrection ou du jour de la rétribution, on peut traduire de cette manière aussi. Maintenant, on lit le verset dans sourate al-Fatiha, qu'Allah est le souverain, il est le maître du jour dernier. Le roi du jour dernier, à présent avec l'étude et les précisions qu'on a données dans l'étude du chapitre précédent, on peut comprendre maintenant les sens et les significations de cela. Qu'est-ce que cela implique et quel est le réel sens qu'Allah Jalla wa Ala est le maître de l'univers, le maître du jour de la résurrection. On a appris aussi dans le verset quel est le sens qu'Allah Jalla wa Ala est le maître des hommes, de tous les hommes. Et ça vraiment, celui qui a compris cela, donc maintenant il peut comprendre l'essence des versets et maintenant il peut réaliser vraiment, malgré qu'il a notre conception elle est limitée, hein, notre conception elle est limitée, mais maintenant on peut se rendre compte réellement, on a conscience vraiment de la grandeur d'Allah et de la perfection de la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ben dans ce chapitre maintenant, le fait qu'on va étudier qu'Allah est le Tout-Puissant et qu'Allah est le Sage. Donc on va étudier deux des noms parmi les noms sublimes d'Allah, Al-Aziz ou Al-Hakim, comme on a dit précédemment. Vous allez voir que lorsqu'on va étudier ces noms, alors on va comprendre de nombreuses choses. Et Cheikh Ibn Al-Uthaymeen va nous enseigner de nombreux enseignements à travers l'étude de ces noms. On va même, lorsqu'on va parler d'Al-Hakim, qu'Allah Jalla wa Ala, et le sage, donc on va parler de la sagesse d'Allah. Et là, on va comprendre pourquoi, par exemple, Allah éprouve ses serviteurs. Et pourquoi, par exemple, Allah Jalla wa Ala a éprouvé les hommes? Et pourquoi Allah a éprouvé, par exemple, les musulmans à travers les différentes générations, à travers les différents peuples et autres? Pourquoi Allah Jalla wa Ala les éprouve de cette manière? Et pourquoi Allah nous éprouve de cette manière? On va comprendre de nombreuses choses à travers l'étude de ces noms. C'est pour cela qu'il faut se concentrer, Inch'Allah. Donc, Cheikh Ibn Al-Uthaymeen commence en nous disant que le nom Al-Aziz, dans la langue arabe, linguistiquement parlant, il est dérivé, il est ma'khoudhun min 'azza, du verbe 'azza en arabe. Donc là où ishtiqaqat, fil lughati al-arabiyya ma'khoudhun min 'azza. Donc il y a des dérivés, et dans la langue arabe, le terme Al-Aziz, Cheikh Ibn Al-Uthaymeen nous explique qu'il est pris du verbe 'azza, 'azza. Et ce qui est très important de savoir ici, c'est que Azza, donc, a différents sens. Donc, déjà, pour comprendre, ici, Cheikh Ibn Al-Uthaymeen veut vraiment nous expliquer d'une manière linguistique ici, pour comprendre le nom en profondeur. En profondeur. Et vraiment aller dans les profondeurs de la langue arabe. Et de ce fait, il dit, ça vient du terme Azza. Et Azza, de ce fait, a différents sens. A différents sens qui va nous expliquer. Alors il nous dit, Azza peut venir dans le sens de imtana'a, qui est l'impossibilité. Wa min Azza ay qalla. Wa min Azza ay qawiya. Qawiya. Aussi, Azza, il peut venir avec le sens de la force. La force ici et la puissance, comme il peut venir aussi dans le sens de imtana'a, qui est l'impossibilité. Azza aussi peut avoir le sens de ghalaba. Ghalaba qui est le fait de dominer. Le fait de vaincre et dominer. Donc ça, c'est différents sens. Et ça, c'est important de le comprendre. Pourquoi? Parce que pour bien comprendre la langue arabe, alors le fait de comprendre bien l'étymologie de certains termes et les racines, hein, l'origine de certains termes, c'est comme cela qu'on peut bien comprendre. Par exemple, à titre d'exemple, Cheikh Al-Athaymine nous donne un exemple. Il nous dit dans le verset, par exemple, dans le verset 20 de Sourate Ibrahim, Allah nous dit « وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزِ »« وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزِ » Et dans une traduction littérale ici, Allah nous dit dans un verset, et cela est pour Allah, et cela n'est pas pour Allah, je vais vous traduire de manière littérale pour que vous puissiez bien comprendre, et cela n'est pas pour Allah, Aziz. Aziz. Vous avez vu là, Allah, Jalla wa Ala, nous dit, et cela n'est pas pour lui, et cela n'est aucunement pour lui, Aziz. Aziz. Donc on a vu, on a le terme hein, ici, le mot Aziz. Pour cela, Cheikh Al-Athaymine nous explique vraiment l'essence et leur origine pour bien qu'on puisse comprendre ici. Ici, Aziz, il prendrait le sens, comme on a dit précédemment, al-imtina', l'impossibilité. Et lorsqu'on comprend cela, ici, Aziz, comment est-ce qu'on va le traduire? Et cela est aucunement pour Allah impossible. Et cela n'est point difficile, impossible pour Allah. Donc le sens du verset 20, Ibrahim, c'est comme cela qu'on le traduirait littéralement. Donc le terme aziz ici, on le traduirait, et cela n'est point pour Allah, et cela est aucunement pour Allah, aziz dans le sens impossible. Ça, c'est un sens. On a un autre verset où Allah Jalla nous dit, Wa azzani fil khitab, dans la sourate Sad, le verset 23, Wa azzani, vous avez vu le terme, le verbe, azza. Qui est à l'origine du terme aziz, comme nous dit Cheikh Al-Athaymine. Ici, le sens donc du verset serait wa azzani fil khitab, wa azzani fil khitab ay ghalabani. Ça serait dans le sens m'a dominé, m'a dominé. Wa azzani fil khitab, donc il m'a vaincu dans à travers la parole fil khitab. Il m'a vaincu, le sens du terme qui est voulu dans le verset wa azzani, c'est qu'il m'a vaincu. Il m'a vaincu travers al-khitab, c'est-à-dire la parole. Et ghalabani. Wa qawluhum. Et par exemple, une parole qui est connue chez les Arabes, lorsqu'ils disent Hadihi ardun azaza. Ou plutôt, Hadihi ardun azazun. Azaz, ici, al-azaz, c'est dans le sens ay sulba. Sulba, lorsqu'ils veulent parler, décrire une terre qui est vraiment dure, hein, une terre aride, alors ils disent une terre qui est sulba, alors endurcie, hein, et rude, aride, alors ils disent azazun, azaz, et ça vient de ce terme justement, azaz. Et Cheikh Al-Athaymine nous dit par exemple, il va illustrer cela en nous donnant cet exemple, il dit nous par exemple, dans notre dialecte, il dit wa nahnu fi al-lughati al-ammiya. نقول أرض عزاء نقول أرض عزاء أي صلبة. Il dit par exemple, nous dans notre dialecte, dans notre langue hein, dialectique, qu'est-ce qu'on dit lorsqu'on veut parler d'une terre aride, hein, vraiment endurcie, dure, on dit أرض عزاء. Donc vous avez vu la mention du terme. Donc il dit, on appelle ça dans notre dialecte à nous, lorsqu'on veut parler de cette terre, dire qu'une terre, elle est, la décrire comme étant en arabe sulba, on dit ardun aza. Ensuite, Cheikh Al-Athaymine, donc là, il nous a expliqué le sens du terme dans la linguistique arabe. Donc là, à l'origine. Donc il nous a parlé de l'origine du mot. Ensuite, il nous dit, fal aziz ou yadullu ala al-izza. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que maintenant le terme, le nom, Al-Aziz indique Al-Izza. Qu'est-ce que l'Izza? L'Izza, c'est la puissance. Donc Al-Aziz, c'est le détenteur de Al-Izza, de la puissance. Celui qui détient la puissance, comme on va le voir. Wa qala al-ulama, wa 'izzatullahi 'azza wa jalla tanqasimu ila 3 aqsam. 'Izzatul qadr, wa 'izzatul qahr, wa 'izzatul imtina'. Et ensuite, Cheikh Al-Athaymine, il va nous dire, pour cela, les grands théologiens musulmans, les grands savants musulmans, ont dit que Izzatullah, la puissance, hein, lorsqu'on dit que la puissance d'Allah, celui qui est détenteur de la puissance, تنقسم إلى ثلاثة أقسام. Donc la puissance d'Allah, cette puissance-là se compose de trois catégories. Elle se divise en trois catégories. Donc là, il va nous citer, hein, nous mentionner une subdivision chez les grands savants de l'islam. Ils ont dit « Izzatul Qadr » ou « Izzatul Qahr » deuxièmement, et troisièmement « Izzatul Imtina ». Donc premièrement, on a « Izzatul Qadr », deuxièmement, on a « Izzatul Qahr » et troisièmement, on a « Izzatul Imtina ». Et ça, on le développera, Inch'Allah, dans le cours et la locution de demain. On va essayer de bien développer cela et essayer de comprendre cela, Inch'Allah, pour qu'on puisse bien comprendre les noms que nous enseigne ici l'imam al-Bukhari dans son chapitre. Al-Aziz wal-Hakim. Donc on va laisser l'étude de cela à demain, si Allah nous le permet. Inch'Allah wa bi'idhnillah. Wallahu a'lam wa billahi al-tawfiq. Wa sallallahu ala نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.